Quelques jours plus tard, le chef de station révéla à l'un des plus importants leaders congolais les plans de coup d'État préparés par Lumumba et deux de ses fidèles, et incita à l'arrestation, ou à un moyen plus radical d'élimination, de Lumumba, de Gingzenga et de Mulele. Dépêche CIA, Léopoldville au directeur, 20 septembre 1960. Gingzenga et Mulele, lieutenant de Lumumba, dirigeaient ses fidèles tandis qu'il était sous la protection des États-Unis. Selon Richard Bissell et Bronson Tweedy, au cours de l'automne 1960, la CIA continuait à considérer Lumumba comme une menace, même après qu'il se fût placé sous la protection de l'ONU. D'une part, Lumumba était un orateur fascinant, capable de soulever des masses. D'autre part, les casques bleus n'empêchaient pas Lumumba de se déplacer, et l'armée congolaise qui les encerclait montait une garde toute relative. Tweedy développa une théorie des dominos sur l'influence du leadership de Lumumba dans le reste de l'Afrique. La personne de Lumumba lui-même n'était pas en cause. Il s'agissait plutôt du déséquilibre des forces dans le continent africain que pouvait entraîner une désintégration du Congo. L'impression générale était que Lumumba avait le pouvoir de précipiter cette dissolution. Et l'on craignait que ce ne soit qu'un début, le Congo étant le pays le plus étendu d'Afrique. Il possède des ressources minières très importantes. De plus, ce pays est voisin du Nigeria, qui à cette époque était considéré comme le pivot d'une future stabilité africaine. Si le Congo s'effondrait, alors le Nigeria avait toutes les chances d'être saisi par le même virus. C'est pour toutes ces raisons que Washington était si préoccupé par Lumumba. Non pas en raison de sa personnalité si exceptionnelle, mais à cause de la position même du Congo. Après que Lumumba se fut mis sous la protection des Nations Unies, la station de Léopoldville continua à garder des contacts étroits avec les Congolais qui voulaient assassiner Lumumba. Un Congolais qui était en contact avec la CIA a fait savoir qu'il essayait de faire assassiner Lumumba, mais il ajoutait que c'était particulièrement difficile, car le travail devait être fait par un Africain qui n'aurait en apparence aucun contact avec des Blancs. Câble CIA, Léopoldville au directeur, 28 octobre 1960. Mais on ne peut pas prouver que la CIA ait soutenu ces Congolais dans le but précis d'un assassinat. Au cours de l'été 1960, Richard Bissell demanda à Bronson Tweedy, chef de la division Afrique, d'examiner les possibilités d'assassiner Lumumba. Bissell demanda également à son assistant spécial pour les questions scientifiques, Joseph Scheider, diplômé en biochimie, de préparer les moyens d'assassiner ou de mettre hors d'état d'agir un leader africain, sans le nommer. Selon Scheider, Bissell lui affirma que cette demande venait de la plus haute autorité. Pour répondre à Bissell, Scheider fournit des substances biologiques toxiques et reçut l'ordre de Tweedy d'apporter ces substances au chef de station de Léopoldville. Selon Scheider, la station n'avait pas reçu l'ordre de vérifier auprès du quartier général qu'une décision d'assassiner Lumumba avait été effectivement prise. Tweedy a cependant déclaré que de toute façon, qu'il ait ou non soulevé cette question, le chef de station n'était pas autorisé à passer de la recherche des méthodes d'assassinat à l'exécution effective de Lumumba, sans en référer d'abord au quartier général, seul habilité à prendre une décision politique. Fin septembre, Scheider remit les substances mortelles au chef de la station de Léopoldville et lui donna l'ordre d'assassiner Patrice Lumumba. Le chef de station demanda alors confirmation des ordres de Scheider au quartier général de la CIA, et après avoir reçu l'autorisation, il entama des démarches exploratoires pour faire avancer le complot d'assassinat. Scheider lui aurait dit que c'était le président Eisenhower qui avait donné l'ordre d'assassiner Lumumba. Le témoignage de Scheider corrobore dans son ensemble cette version des faits, Mais ce n'est qu'à travers ses discussions avec Bissell et Tweedy que Scheider a pu croire à un accord présidentiel. La mission de Scheider au Congo fut précédée et suivie de dépêches en provenance du quartier général. Ces dépêches, transmises par une voix extrêmement restreinte et commençant par la formule « pour vos yeux seulement », poussaient à l'élimination de Lumumba. Deux d'entre elles portaient la signature personnelle d'Allen Dulles. Les substances toxiques ne furent jamais utilisées. Mais rien ne prouve que l'opération ait été vraiment interrompue avant la mort de Lumumba. Rien ne permet de penser, en revanche, qu'il y ait un lien entre le projet d'assassinat et des événements qui aboutirent réellement à la mort de Lumumba. D'après Bronson Tweedy, c'est au cours de l'été 1960 que Richard Bissell commença à discuter des moyens pouvant être mis en œuvre pour assassiner Lumumba. Ils en parlèrent plus d'une fois l'automne suivant. Tweedy dit que la première conversation de ce genre se déroula peu de temps après l'envoi du câble du 26 août signé Dulles, câble informant le chef de station que l'élimination de Lumumba devait être hautement prioritaire dans notre plan d'action secrète. Tweedy ne se souvient pas des termes exacts de la conversation, mais selon lui, elle tournait autour des points suivants. Ce que me disait M. Bissell, c'est qu'il y avait à Washington un accord politique. Lumumba devait être éliminé de tout pouvoir ou influence au Congo, et parmi les moyens d'élimination envisagés, il y avait effectivement l'assassinat. Le but de notre conversation était de provoquer un échange d'informations entre la station et le quartier général pour étudier les différentes possibilités d'assassinat ou, en vérité, tout autre moyen de chasser Lumumba du pouvoir. La station devait commencer à dresser la liste de nos moyens, de nos agents, et en discuter les détails avec le quartier général, comme on le faisait d'habitude pour toute opération. Tweedy est certain qu'au cours de ses discussions avec Bissell, le poison a été cité comme un moyen d'élimination à envisager et que le chef de station devait explorer. Tweedy affirme que Bissell lui avait confié la mise au point des détails opérationnels, désignation des agents disponibles, sécurité de l'opération, découverte d'une solution censée qui ait des chances de réussir. Mais Bissell ne lui avait jamais dit « Allez-y et faites comme bon vous semblera, sans plus vous en référer à moi ». Au contraire, Tweedy travailla avec l'impression que, si un moyen efficace de tuer Lumumba était mis au point, la décision de procéder à une tentative d'assassinat ne devait venir que de Bissell. Tweedy ne sait pas si Bissell a consulté la plus haute autorité avant de commencer à étudier les moyens d'exécuter Lumumba. Tweedy a déclaré, à propos des consignes qu'il recevait de Bissell, « Généralement, je les suivais. Je partais du principe que Bissell était habilité à me donner ces consignes et que c'était à lui de rudement bien savoir quels ordres il pouvait me donner ou ne pas me donner. » Le 19 septembre 1960, quelques jours après que Lumumba se fut placé sous la protection des casques bleus de l'ONU stationnés à Léopoldville, Richard Bissell et Bronson Tweedy envoyèrent un message codé à destination de Léopoldville pour mettre au point une rencontre secrète entre le chef de station et Joseph Brown, qui se rendait au Congo pour une mission non précisée. Joseph Scheider a certifié que Joseph Brown était son pseudonyme et qu'il l'utilisait parce qu'il s'agissait d'une opération particulièrement délicate. La dépêche disait « Joe devrait arriver approximativement le 27 septembre. Il se présentera comme Joe de Paris. Il est urgent que vous rencontriez Joe aussitôt que possible après contact téléphonique. Il déclinera toute son identité et vous expliquera sa mission. » Câble CIA de Bissell et Tweedy pour le chef de station, 19 septembre 1960. La dépêche portait le mot de code PROP, qui signale un sujet extraordinairement délicat et indique que cette dépêche avait, au quartier général, une circulation restreinte touchant seulement Doulis, Bissell, Tweedy et l'adjoint de ce dernier. Le mot « prop » signifiait aussi que la dépêche n'était transmise au Congo qu'au seul chef de station. Tweedy certifia que le canal « prop » fut établi et utilisé exclusivement pour l'opération d'assassinat. La dépêche signée Bissell Tweedy informait le chef de station que le code PROP devait être utilisé pour « toute transmission, dépêche, concernant cette opération que nous vous donnons ordre de ne communiquer strictement à personne ». Tweedy confirma le fait que Bissell et lui avaient signé tous les deux la dépêche. Cela voulait dire que l'autorisation de partir pour le Congo donnée à Scheider venait de Bissell. Tweedy dit que celui-ci contresignait les câbles envoyés par un chef de division et traitant de sujets particulièrement délicats ou d'une importance telle que le directeur des opérations souhaitait en être constamment informé. Tweedy fit remarquer que Bissell lut la plupart des câbles concernant cette opération et qu'il se faisait en général mettre au courant des progrès de l'opération.